C'est mon rêve à moi. C'est mon rêve. Mon rêve. Yeah. J'essaie de vivre avec le moindre regret. On traverse tous le temps, à chacun ses secrets. J'ai fait un rêve, pas comme Martin Luther King. J'étais là avec les miens, et y'avait du feeling. Attends, je me perds, j'ai perdu mes repères. Ça y est, j'y suis, je m'étais pris à l'envers. Au début, on était là, l'esprit libre. On était des gosses, maintenant on est saoulés. Rien nous enivre. Dans mon rêve, j'ai vu ma vie, j'y ai lu comme dans un livre. J'connais la fin, donc c'est plus une affaire à suivre. On rappait parce qu'on kiffait, et c'est toujours mieux traîner, au final déraper. Certains nous pligeaient pas, prenaient la tête dans le rat. On disait, t'inquiète, nous on s'y brillera. Aujourd'hui, j'ai fait du son jusqu'à point d'heure. J'suis souvent sombre, mais la zik est ma source de bonheur. J'étale ma vie, ce que je vois, ce que je ressens. À travers mes écrits, tu vois ce que je ressens. Bah, c'est mon rêve à moi de dire ce que j'ai dans le cœur. Sans ma plume, y'a rien qui sort. J'crois que mon cœur est à l'heure. Mon âme est blessée. J'avance en SOS, pas de drapeau blanc, j'avance en feu détresse. Je reste fier, s'il faut, je rangerai mon orgueil seulement s'il le faut. Mon âme est blessée, j'avance en SOS, pas de drapeau blanc, j'avance en feu détresse. Je reste fier, s'il faut, je rangerai mon orgueil seulement s'il le faut. Mon espoir c'est en deuil, j'écris à défaut de verser des larmes. Dans mon rêve, y'a pas de vague à l'âme. Dans mon rêve, y'a pas de vague à l'âme. C'est mon rêve.